sont un peu différents des autres, quoi. Je pense qu'on est juste une bande d'opportunistes qui ont eu un cadre, en fait. Genre, en mode, fonctionner à l'opportunité, genre, dès qu'on trouve un truc, on y va. Et en fait, c'est juste qu'on a eu le cadre du skate et où, bah, du coup, voilà, ça te permet de créer un petit monde, en fait, où, ouais, où la proximité, elle est vachement plus simple. Mais au final, le délire, c'est juste de, à chaque fois, voir qu'il y a une petite flamme dans un projet et qu'on, bah, on va kiffer, quoi. Ça aurait pu être autre chose, quoi. On aurait pu tous collectionner des pièces de 2 euros, tu vois. Ah, je fais ça, moi. Il y en a, ils ont la même passion là-dedans que nous pour le skate. Et c'est un peu ce qu'on essaie de dire avec les magiciens, quoi. C'était un truc fédérateur qui réunit tout le monde. Il y en a qui sont par exemple dans la musique ou les trucs comme ça. Et... Ouais, mais on parle pas aux intermittents. Coucou. Et du coup. Mettez des chaussures. Et... C'est bon ? Et du coup, ouais, il y en a qui sont carrément dans la musique et qui font des trucs de fou. Et après, nous aussi, on dans nos runs, on rajoute de la musique, tu vois. Donc, c'est quoi l'importance de la musique dans les runs au final ? Ah, c'est une émotion quand même un peu. C'est genre, je sais pas. Même par exemple pour Ramon là, qui est en train de faire le projet de la Norvège. Genre il fait faire toutes les musiques par un pote à nous genre pour que vraiment ce soit genre pas comme je pense il fait d'habitude de trouver une musique qui fit avec l'idée, ouais. Mais cette fois de faire une musique qui fit avec l'image, tu vois, où en fait tu te rends compte que la musique ça a une part hyper importante dans, ouais, comment tu vas ressentir la vidéo, tu vois. Tu peux avoir des images de ouf, si la musique elle est horrible ça gâche tout, et à côté de ça une bonne musique elle peut rattraper des trucs pas ouf, quoi. Un petit loup. De fou. Mais c'est aussi très personnel, je trouve, la musique, surtout pour les skateurs, plus skateurs, plus que créateurs de vidéos comme moi et Ramon et tout. C'est aussi un moyen de rajouter leur univers, ouais, exact, dans le skate, quoi. C'est-à-dire qu'on peut voir un peu les préférences de chacun, les goûts musicaux, et ça en dit aussi beaucoup sur les gens, quoi, ce qu'ils aiment et tout. Et du coup, c'est pour ça qu'on est tous attachés à avoir la musique préférée sur des runs. Moi et Ramon, j'ai des souvenirs où on matait des vidéos de skate et on va pas citer lesquelles, mais on mettait le son sur mute et on se mettait des petites musiques qu'on appréciait beaucoup. Et franchement, les vidéos, ça les rend 10 fois meilleures, tu vois. C'est exactement ce qui vient de se passer, tu vois. Genre, par exemple, là, Scott, il est arrivé, on lui a présenté une musique, Trotsky de Winter Zuku, et il a fait direct un run avec. Et en fait, tu vois, genre, ça symbolise vachement un truc de. Il arrive en France, il écoute une musique qu'il kiffe, et vas-y, il y a un feeling, tu vois, avec le truc. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est une histoire qui est en plus. Avec le run, et il y a une histoire derrière la c'est musique. C'est un peu comme les rappeurs qui partagent leur univers dans les paroles, etc. Nous on le fait à travers la musique. Enfin, chacun a son style en skate. Il y en a pas un qui skate pareil, même si on essaye de skater comme Diego. Pour vous, c'est qui pour vous, c'est qui le Al Capote du skate? Zelda? Non, Nico Robert. Avant 2016. Nico Robert avant Nicolan. Voilà. Ça veut pas dire que c'était mieux avant, mais ça veut dire que c'était Al Capote avant. Mais du coup, pour reprendre un peu ce que tout le monde a dit, je pense qu'il y a plusieurs situations. En fait, des fois, on va faire une vidéo de skate et on va choisir une musique. Parce que c'est comme tout ce qu'on disait d'immortaliser le run de skate, on veut aussi montrer nous ce qu'on aime, vu que c'est très personnel. Après, il y a des fois où on va faire des trips et une musique va ressortir. Et du coup, je pense qu'inconsciemment, les images iront vers cette musique qui représente le trip. Donc le meilleur exemple, c'est ce que tu viens de donner, Trotsky. On a fait... depuis qu'il est arrivé à Marseille, Scott, j'ai dû lui faire écouter 15 fois parce que j'ai juste vu qu'il bougeait la tête quand je lui faisais écouter les premières fois. Et donc, mine de rien, on l'a écouté dans la voiture avant d'aller à la session, après être allé à la session. Du coup, le montage devient, lui, plus intuitif parce que t'as vécu la chose avec cette musique dans la tête. Et il y a la troisième possibilité, comme l'a dit Gaëtan, qui est un peu nouvelle maintenant pour les magiciens et qu'on essaie d'avoir. Pour moi, qui est... Pardon. Alors, tout le monde va bien. Voilà, mais du coup, la dernière possibilité qui est toute nouvelle et qui est incroyable, c'est de pouvoir faire son montage, avoir une envie particulière de musique et d'avoir quelqu'un comme Loulou, du coup, gros SO à Loulou, qui est lui un magicien de la musique et qui fait des choses incroyables et qui arrive à répondre à mes attentes en fonction de moi, ce que j'ai envie de faire en vidéo. Du coup, ça sera une première et je trouve ça super d'avoir quelqu'un qui est capable de mettre en note la manière dont on a vécu les choses, quoi. Et puis aussi, je pense, par rapport à la musique, il y a la musique dans les vidéos, c'est une chose, Mais la musique a fait grave partie des road trips. Enfin, genre en mode. Depuis tout à l'heure, on fait le lien entre le skate version sport et le skate de tout le lifestyle qu'il implique, tu vois. Et au final, en road trip, on mange tellement des 20 heures de voiture, des bails comme ça tout le temps, que bah, la musique, c'est grave un souvenir, c'est grave un mood. Et, et genre, ouais, après, au final, à chaque fois. À un moment, c'est un truc con, on s'est retrouvé à chaque fois qu'on faisait un Eurotour, il y avait un album de Nekfeu, tu vois. Le Escrew 2016. Genre maintenant, quand tu réécoutes les albums, c'est full souvenir Eurotour, tu vois. Ouais. Et pareil, est-ce que tu... Je suis super d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ouais, clairement. Fait. Ouais, petite anecdote sur ce qu'il vient de dire, parce que c'était très bien. Peut-être tu la couperas. Mais c'est que quand il y a le top 100 Spotify qui est sorti après mon année de voyage assez incroyable, bah c'était incroyable parce que toutes ces musiques du top 100 représentaient un jour ou une semaine de trip dans un pays différent. Il n'y avait pas d'appréciation dans ton top 100? Non, il est tellement long que j'ai pas pu l'écouter. Il a pas écouté. Mais non, mais bref, exactement, qu'il y a des musiques qui puissent représenter vraiment des toute une partie d'un voyage. Je pense à certaines musiques avec Lucas à La Réunion qui sont sorti un peu de nulle part et qui tombe dans le top 20 des musiques que j'ai le plus écouté cette année. Joli bébé de NASA par exemple. Gros SO au Big Daddy NASA. Ah ouais, incroyable. Parce que des sons qu'on n'aurait jamais écoutés mais qu'on finissait à chanter par la fenêtre. Et tu, en fait, il y a un gros truc avec la musique et les souvenirs aussi, c'est lié de ouf. Donc dès que t'écoutes une musique, tu te replonges dans l'univers du voyage et ça te fait Madeleine Prouster la gueule, tu exactement. Vois. Exactement. Tu pleures bien un petit fort. Peu. Là, moi j'ai des souvenirs aussi d'écouter des trucs en trip que je n'écouterais pas d'habitude, tu vois. Du coup, ça crée vraiment des nouvelles perspectives. Ouais, je repense à Esso La Lune qu'on écoutait de fou en Afrique du Sud. Je n'écoute plus Esso La Lune, je t'adore, hein, mais au moins, tu vois, dès que je le réécoute, j'ai des belles vitrines de l'Afrique du Sud qui me reviennent en tête, quoi. Ouais, tu partages un délire en plus entre cous, quoi. Moi, c'était Mélo, Coco et On Démarre quand on allait à Cosa en multiplat, ouais, tu vois. C'est... En multiplat, putain. Dès que je la mets, je me revois dans le multiplat. Le retour à 6 dans le multiplat, là, le Pragnis, oh là là, avec des valises sur les genoux là, putain. Horrible. Valises sous les genoux, valises sous les yeux. C'était horrible. Et Johan Bouet et tout. Ouais. Putain, un sacré trip. Et est-ce que vous avez des musiques qui vous rappellent de suite une vidéo, genre les vidéos d'Artium, pas mal. Et bah, tant mieux parce que c'est un jeu qu'on va faire maintenant. Oh là là, il est bon, il est bon, Fred. Je vais encore être nul. Ah, attends, il faut que je remette un écouteur. Ouais. Ah oui, s'il vous plaît. T'as plein de jeux. Il y a un buzz. Est-ce qu'on a des shout buzz qui font des petits sons comme dans Rap Jeu? Shout out to Scott. Let's go. Il comprend rien depuis tout à l'heure. You can play too. You can play to the game. Mais il a pas d'écouteur. Ah ouais. You cannot play. Chef. Ok. Ok. Mais le combat, on démarre. On va faire un. Ça va être, la première va être très facile. Normalement, celle-là, vous la connaissez toutes. Rowan à l'Outdoor. Mais attends, t'es en buzz. Ah, mais laisse la musique. Ok, ouais, c'est bon. Là, tout de suite, je me rappelle. Mais je vois les images. Bah, de toute façon, en plus, je l'ai cherché, tu vois. Donc. Ouais, ces trois beaux mecs. Comme des missiles chargés sur le spot là. Moi j'ai même la chance de le revivre. Parce que même si je ne faisais pas le Rorem, j'étais dans la voiture pour admirer tout ça. Et d'ailleurs Rorem conduit par Rémi, le grand Rémi. Toujours dans le cœur. Et je me rappelle être dans la voiture. Je me rappelle que Nico Robert, qui était le Al Capote déjà, pré-2016, au début ne voulait pas que je sois dans la voiture. Alors que c'était ma caméra et tout. Parce qu'il disait, ouais, mais le poids d'une personne, en plus, Ramon, quand même, le poids est important. Et, alors qu'il allait pas si vite. Hein. Ça pouvait changer. Et alors qu'il a pris un très beau wobble à l'entrée du gauche, mais très bien mais géré. Non, en vrai, bah, on parlait de souvenirs. Ça, c'est un souvenir incroyable d'une époque, au final, qui révolue. Où bah, c'était Yaya, Nico et moi en roue neuve déjà sur ce run. C'était un des derniers runs, je crois limite le dernier run du freeride. Exactement, le dernier run du freeride, et vous étiez mort et vous mettiez des roues neuves. Et genre on était là, ouais, on met des roues neuves et tout. Yaya toujours en questionnement, est-ce qu'on met des roues neuves? On met des roues neuves du coup avec. Surtout que c'est l'époque où les roues neuves c'était un truc qu'on consommait quand même, mais pas autant que maintenant. Où, genre c'était quand même un peu mystique de mettre des roues neuves. Avec Nico, bah, c'était le patron hein, à l'époque, c'était le boss. Moi faire un rerun avec Nico à cette époque, c'était quand même ouf. Et le run est incroyable, avec des positions en triangle et tout à 3, et Rémi qui passe de droite. Enfin, Rémi a filmé de ouf, on parlait de filmer des reruns, là il est filmé avec le petit filtre mis par Ramon et tout. Enfin, ça c'est une ambiance pour le coup. Moi je le regarde encore aujourd'hui, je pense qu'on peut pas faire une vidéo plus stylée que celle-là, quoi. Bah, si vous voulez la retrouver, c'est sur Vimeo d'ailleurs, parce qu'il y a le plus sur Facebook de Politique, parce que Politique c'est fermé. Donc, Shout out à Politique d'ailleurs, qui à cette époque c'était la team Politique. Hein, ouais, c'est ça. Ou chauffée. Alors c'est dans mon disque dur, le fameux là dont je vous parlais. Elle est en full qualité. Ah, on n'en parle pas, mais il y a eu la team Politique quand même qui a fait pas mal de vidéos, qui nous a payé les events à ce moment-là, et justement Pomi se chauffait à faire monter le skate français, à monter une team, etc. Donc ils ont même eu des lycras. Leur couille, on a même eu des lycras. Ouais, qui me donne des lycras aujourd'hui. C'était vraiment, je pense, la plus belle initiative pour mettre en valeur essayer de professionnaliser un peu le truc, même si c'était très très faible. Du coup, ils sont beaucoup donnés. Ce que vous dites, c'est genre faire des free rides, c'est pas suffisant. Il faut aussi sponsoriser les riders quand t'es une asso. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, c'est pas qu'il faut le faire, mais c'est vrai que le fait de faire des vidéos, d'essayer de. C'est stylé en fait. Le fait qu'une asso puisse se permettre d'aider ses riders, c'est quand même vachement stylé. Ouais, et c'est la première fois qu'une asso l'a fait, parce qu'au final, en tant que les magiciens ou entre cousins à l'époque, on le faisait, de faire des vidéos. Au final, la finalité est la même, faire des vidéos, avoir des sponsors, se faire payer des trucs, tu vois. Il y a des crews qui le font, il y a des boîtes de prod qui le font, mais c'est la seule fois qu'il y a une asso qui l'a fait d'elle-même, et je trouvais ça fort parce que ça permettait d'avoir des vidéos, donc une boîte de prod, d'avoir un crew, l'équipe de l'asso, et d'avoir en plus la dimension... fédération, licence, ça fait un peu plus club comme les clubs de sport qu'on connaît, avec des entraînements, des vidéos. C'est des schémas qu'on retrouve, quoi. Ouais. T'arrivais complètement sur un vrai club de sport ou une équipe de Formule 1, quoi. Ouais. Avec les gens qui vont faire les vidéos, la communication, et les gens qui vont être tout simplement les sportifs, quoi. Ok. Deuxième musique. Là, celle-là, elle est un encore peu plus... du rap. Non, celle-là est beaucoup plus compliquée. Et là, on va voir si vous, autour de la table, vous êtes des adorateurs de vidéos de musique. Enfin, des vidéos de longboard. Je regarde beaucoup de vidéos de musique, mais sans le son. Ça s'appelle des clips. Cette vidéo a 2800 vues. Ah ouais, t'es chaud. Vous connaissez le rider. Elton, t'as envie de dire quelque chose? J'ai envie de dire que ça me dit quelque chose, tu vois, mais j'ai pas encore la précision. Très bon choix de musique, en tout cas. Très bon. Ouais, de fou. Il y a un mood. Ouais, il y a un mood. Vous voyez comment la vidéo qui est dessus là? Un Roran à balle. Un Roran à balle? Non, c'est pas Jules. Non. Moi, je vois ça bien. Ça reste dans cet hémisphère Ouais. Ça, c'est bien une musique à Guigui, non? Ah non ouais. Non plus. Je pense que c'est dans ce crew là, ouais. Moi je vois bien un mood genre sur une île un peu caliente, okay, tu vois. Ok, d'accord. Quel mood vous pensez à cette vidéo du coup? Un autre chose peut-être. Non mais c'est quoi le mood de la vidéo? Genre ça va fast, c'est chill, c'est machin. Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo là? Vous ressentez quoi là? On en parlait tout à l'heure, c'est un ressenti les musiques, quoi. Moi de base, j'avoue, je pensais à des vidéos de Bustin avec Tati Bicicleta et Bruno Cirera, mais du coup c'est pas ça. Oh, c'est moi beau, ça me fait penser un peu au set de James Kelly. Aussi le Run So Fast où ils sont deux, c'est ça. Ouais, ça c'est sur Gabriela et Rodrigo. Ouais. Putain, mais c'est beau. Du coup, vu qu'il parle de Genève, qu'il parle de Jules et tout, moi j'avoue qu'il y a une série de vidéos qui est OG et qui doit pas avoir beaucoup de vues. Qui était Julio et. Iglesias. Non, c'était avec Jules et Jules, du coup, c'était Julio et Julian, je crois, quand ils sont partis à Tenerife. Ah, pas mal, belle trouvaille, mais ça a pas l'air d'être ça. Et non, c'était Cooked Run, Dylan Cruising the Drone. Putain, Dylan Lodi. Je suis déçu de moi là. Incroyable. Je crois que c'est une des vidéos qui m'a fait connaître Dylan. Fais voir. Ouais. Ah non, en fait, je le connaissais avant. Mais ouais, cette vidéo, en vrai, moi je l'ai regardée. Elle est incroyablement, genre, imaginative, tu vois. Genre, enfin, c'est. Le gars, le rider, là, le mec, là. Le Suisse. Avec ses roues, là. Angèle. Didi, là. Non, Dylan. Dylan. Mais bref, incroyable. La vidéo, incroyable. Donc je mets un like. Cooked Run, Dylan Cruising the Drang Gin. Mais attends, ouais. Il est en train de skater où du coup dans cette vidéo? Tu peux la montrer? Lausanne. Montre. Lausanne. Bah, je te c'est quand il prend les toboggans et tout. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais cette vraiment. Vidéo, elle est incroyable. Elle mérite des millions et des millions de vues. Elle mérite plus de vues pour que lui payer un voyage en Turquie. Mettez des commentaires. Je viens de après session sur la vidéo. Comme ça, il y aura 5 commentaires. Voilà. Sinon, je vais oublier. Hop, on va changer. Mais en fait, là, faut que je change un peu, que je fasse un petit truc. Parce que là. Scooby-Doo-Doo-Doo. C'est un peu long. Je l'ai, mais c'est triché. Un. Ça fait. On est là. Bah, si c'est triché, ça veut dire que c'est Elton dedans. Une vidéo à 717 vues. Oh, elle a percé! Oh. 717 vues, c'est du Duck Slide. Du Duck Slider. Duck Slide, qui était un peu quand même le crew ennemi du Easy Crew, hein, parce qu'on était exactement dans le même genre de shit. C'est-à-dire du freeride à très basse vitesse, avec des sacs à dos portés. Hein, pendant ce qui est important, c'est le shoes sac à dos. On n'en parle pas assez. On l'a tous pas pratiqué au moins une fois. Une époque où on trouvait des spots en bus, c'est-à-dire qu'on pouvait monter en bus en haut du spot et revenir en haut. C'était assez incroyable. Allez, encore une petite musique, celle-là, où on va voir si vous êtes des experts du longboard. Par contre, c'est une vidéo qui a 23 000 vues sur YouTube. Ah, quand même. Donc là, on part sur quelque chose qui est quand même assez connu au final. Et on sait pas ce qu'il fait l'animateur là. J'ai envie de chanter. Ça c'est tard l'époque, ça c'est sûr. Non, c'est pas tant tard l'époque. Je vois bien une vidéo d'Event. Alors, des idées peut-être? Je vois bien une vidéo d'Event. Je sais même pas si... Attends, est-ce que... Donc, est-ce que c'est la vraie musique là? C'est la vraie. Donc vraie ça veut musique. Dire qu'il a utilisé Indochine. Exactement. Pas une remix d'Indochine. Non. Ce qui pourrait porter un français, mais je sais que j'ai déjà vu des vidéos américaines en avec vrai, cette Indochine, musique. Ça a pas mal percé. Donc Bob Moran surtout, je crois Bob que Moran, j'ai déjà vu des percé, vidéos ouais. américaines avec du Bob Moran. Ouais, ouais. Mais... C'est vrai que moi je pense que je l'ai déjà vu cette vidéo. Oui, c'est. Mais j'avoue que j'aurais besoin d'un indice peut-être pour que ce soit chronologique. Piloni, il aurait pas fait une vidéo là-dessus? Non. Que ce soit chronologique. À mon avis, ou... c'est pas loin de ça. C'est quand même. Enfin, ça reste sur le même continent, effectivement. Ouais, je pense que. Je sais que c'est un ricain. Moi, je colle trop tard, ça me dit quelque chose. Ah, bon, Elton, peut-être. Peut-être, moi j'ai une idée, un petit Tom. J'ai du Zor. Non, des. Ne prononce pas son nom. Qui produit des vidéos pour Caliber, Blue d'Orange et tout. J'aurais bien dit ça, une vibe Liane Morgan 2016, tu vois, genre Jacques Boston, exactement. Écoutez, c'est une vidéo de 2020 de Linked Media. Spud, SO2 Spud. Oh, ça a arrêté le bruit, je sais pas qui c'est qui fait du. Ouais. De la merde, mais. C'est sûrement Gaëtan. Et du coup, c'était quoi? C'était un Raw Run? Non, c'est un. Alors, c'est Linked Media et c'est 2020 Vision. C'est un best-of un peu, tu vois. C'est son best-of 2020. Ouais, allez, une vidéo. Il est trop chaud. Une vidéo qui a 3,9 millions de vues. Ouh. Ah ouais. C'est les magiciens, ça. C'est Zach, petit loup. C'est Zach Maytoum, non? C'est Zach Maytoum, Raw Run, là, où il prend des Webels sa mère avec sa board en... Mais je vais arrêter de donner les millions de vues. Ça aide trop, ça aide trop. Non, mais après, on a quand même besoin d'aide. Mais c'est vrai que non, ça... Parce qu'après, tu nous as mis Bob Moran. Je tiens à rappeler quand même que la vidéo 2020 Vision, si je ne m'abuse, elle fait 31 minutes, hein. Donc le gars il nous donne une musique sur une vidéo de 31 minutes. Ouais, je sais pas qui c'est là. C'est Gaëtan. Arrêtez. Ah, c'est moi. Non, c'est moi. Ah, là c'était pas moi. Mais c'est très plaisant de. Mais c'est vrai que c'est une vidéo qui a marché de ouf en vrai. Pour rien. Mais bon. Ça, c'est le genre de vidéo que tu regardes et tu dis putain, les magiciens, ils font des edits de dingue pendant des heures. Alors qu'il suffisait de vomir. Il suffit de mettre du métal et d'aller à balle et en fait, parfois, ça suffit. Mais ça, c'est en vrai, c'est un peu la loterie des vidéos. Hein. Il y a des vidéos qui pop. Je sais pas pourquoi, il y a une vidéo de dingue que tu vas faire qui va avoir 15 vues finalement. Je pense dans tout ce que tu fais de médias dans le monde, c'est toujours ça, quoi, que ce soit pour les clips en général, pour la musique et tout, t'as toujours un moment où t'as un coup de buzz, comme justement l'époque où on fait parler, quoi. Il faut savoir le rentabiliser, quoi. Il faut saisir le moment. Hein. Et il faut avoir mis son logo. N'est pas oublié d'avoir mis son logo parce que quand on voit pas les messages sur quotidien, ça pourrait aider. Allez, let's go. Qu'est-ce que tu fais? C'est qui ton pote? Non mais vas-y, ça a été mis sur 46 000 vidéos de longboard et il y en a 47 000 dans le monde. Ça, c'est Original Skateboard, non? Ça, c'est Go... Bah ouais, Original Skateboard, ils l'ont fait. Effectivement, c'est Original Skateboard. Ouais, c'est un Go Longboard, mais pas la part 1. C'est un Go Longboard, ouais. Non. Freeride for 41 Longboard by Original Skateboard. Wow. Ouais, c'est ça. Combien de vues? Allez, on parle. Combien de vues? Allez, on parle chiffre, 3 là. 3 millions 5. Bon, 3 millions 5 à ma droite. Moi, je dirais 8 millions, tu vois. 8 millions. Ah ouais, on est sur des chiffres assez élevés, ok, d'accord. Moi, j'aurais dit 100 000. 100 000 vues, d'accord. Mais okay. Jamais la vie. Et Ramon. Déjà, ce qui est bien, c'est que je suis sur le podium juste parce que Gaëtan est dans la compète. Non, mais si c'est le juste prix, si vous avez dit plus, vous êtes tous baisés. Hein. J'aurais pu dire une vue. Ouais, mais lui, il a dit 3,5 millions. Et pour moi, de sûr, le million est dépassé parce qu'on parle de YouTube une époque. Oui, il y a moyen qu'ils aient dépassé les 10 au final. Toi, t'as dit 8, toi. Moi, j'ai dit 8. Moi, je prends la mauvaise décision de me caler entre les deux, mais je dirais 5. 12 millions de vues. Oh là là là là. Il a été fort, l'animateur. Putain, il a mis les chiffres en haut, alors que. Et du coup, Elton gagnant. Je gagne quoi, en fait? Là. Moi, je suis deuxième. Ma dignité. Ah. Oh, oh putain, je l'ai. Alors, Je peux présenter qui est la personne exactement, parce que c'est pas Nova qui s'appelle? Et non. Non, c'est. Ah non, je l'ai. C'est le gars qui était sur une originale et qui envoyait sa mère en freeride, un tout petit brun. Maintenant, il fait des photos sur des immeubles et tout. Ah ouais, genre, il fait de l'urbex. Et la vidéo, c'est des slides où genre il y a des shows vides, des trucs comme ouais, ça. Ouais, et tout, ouais. Des méga techniques. Non, c'est pas. Putain, c'était le fan de Noodle. Mais je le suis encore sur Instagram et maintenant il monte des putains de buildings, il fait des photos de ouf. Il est photographe. Et du coup, t'as forcément. Mais il était grave jeune. Tu veux que j'aille le retrouver sans blaze? Non, mais tu le connais. Si tu l'as sur Insta et tout, genre c'est bon, tu sais qui c'est du coup, hein? Ouais, je sais qui c'est. Ok, d'accord, il s'appelle. Mais je me rappelle plus son nom. Ok, ah, super. Ah ouais, donc peut-être quelqu'un autour de cette table a son nom. À part moi, parce que je suis le meilleur en fait. Ah, moi je me rappelle, j'avais kiffé cette musique, après je l'ai poncé pendant 100 ans. Abusé, ouais. Jean-Edouard. On se rappelle, on skatait ensemble. D'ailleurs, cette musique. D'ailleurs, Desjarlais l'a remis sur une de ses vidéos. Voilà. Oh, le suceur. C'était Mike Virgin. Ah, je connais pas. Je l'aurais pas dit. Ben voilà. Mais super. Ouais. Combien? Allez. Ah, elle a bien percé quand même. S'il vous plaît. Ben moi, je bouge pas. Hein. Non, si. 723 000. Ben ça, les autres. C'est beaucoup. Hein. Moi, 3 millions. 100 000. Fixe le gars. Non, moi, je dirais, je sais pas, 3 millions. Ah, t'as dit 3 millions, toi? Désolé, je l'avais pas entendu. Je vais changer pour l'audimat. Je vais dire 4 millions. Je sais plus ce que j'ai dit moi, mais let's go. 723, oui, c'est ça. C'est important. Et bah, c'est 1,9 million de vues. C'est qui c'est toujours un score. C'est toujours un score très honorable au final. Hein. Je pense que c'est moi, non? Allez. Du coup, j'ai gagné des bonbons. Combien t'as dit? Parle dans le micro quand tu me parles déjà. Combien t'as dit? 1,9 million. Non, du coup, c'est moi qui gagne. Parce que moi, je suis à 1,1, t'es à 1,2. Je suis tendu. Hop. Je stresse par manque de stress. Vous êtes prêts? J'ai vidéo et débat. Pas mal. Belle ref. Ah putain, bah ça, c'est Let's Go. Go Longboard. C'est Let's Go. Ouais, enfin, ouais, c'est Let's Go. Ouais. C'est Let's Go. Quand il part du petit chemin là. Avec le panneau là. Ouais, I have cheers. On en parlait tout à l'heure. Longboard Let's Go de Loaded. On en parlait, on disait ah, mais combien il a de millions de vues? Bah ouais, mais je pense 22, que c'est maintenant 22, qu'on est en c'est maintenant qu'on doit savoir. C'est maintenant qu'on va savoir. 22. Attends, les, 20, les novices qui ont jamais vu. Parlez pas tous en même temps dans le micro, ouais, déjà. Gaëtan. Gaëtan. Ceux qui ont jamais vu cette vidéo, en tout cas ceux qui ont commencé le longboard il y a genre moins de 5 ans, allez voir cette putain de vidéo. Parce qu'elle est incroyable. Elle est... Oui, elle est bien, mais au final, mec, quand tu vois des vidéos d'aujourd'hui, mec. Ouais, mais c'était genre à l'époque. Les vidéos des magiciens, tu vois. Oui, c'est quand ça, même autre chose, quoi. Genre à l'époque, c'était. Ah c'était... non, mais voilà, à l'époque, c'est c'était ça, il faut, incroyable. Faut se remettre dans faut... le... Remettons-nous dans le contexte. Du coup, alors, on parle. Eton, combien de millions. Combien de vues? Oula. Moi, j'ai dit 22. Une information, moi, déjà, j'ai dit 22. 22. 22 direct. Oula, moi, je dirais plutôt genre 16. 16, 22, on est sûr. Lucas 20, 28 20. Allons-y Franco. 7,7 millions de vues. Ah putain, oh, c'est éclaté. Gros, c'est éclaté au sol. T'as dit combien Gaëtan? 20. Putain. C'est le dog qui gagne. C'est... Oh là là. Ok, là j'suis, on part. Je suis désappointé. Est-ce qu'il y a des trucs cool à gagner? Genre si tu gagnes, tu gagnes le niveau de Diego Poncelet ou de Scott. Moi j'ai gagné les gars. Allez encore. Tu préfères être Scott ou Diego? Pour combien? Scott before the air. tu peux lui donner le mic. Je suis puni. You need to fuck Augustine. Ah, tu peux you need to find the music the video who's coming from the music. So speak on the microphone if you had it. Okay. Mais oui. C'est pas une vidéo française genre qu'il trouvera jamais. No, it's not a French video. Okay. Oh, ça c'est pas. C'est Liam Morgan. Oh, it's not Liam Morgan. Is it Natural Born or something? No, or AHR. AHR. AHR. Yeah. Yeah. AHR. Which one? Which one? I don't know. There's two. There's like. Fuck, who is it? I've seen it for sure. Jordan. Yeah. Maybe no. Probably. No. Mike yeah. Fitter. No. It's. This game sucks. It's hard. It's from Australia. For too long. It's from Australia. It's AHR. What? Oh. C'est AHR. C'est ce qu'il a dit. AHR Production. It's. Animal. I know the. I know. For sure. This is not the blonde guy. It is a best of. I love it. You're a piece of shit. Yes. 2013. Like, so. Who is it? Yeah. Best of. Okay. Yeah, best of. Incredible video. 2013. They disappear, kind of. No, it is not disappear. So you right now you have the video. You need to know how much view he got. Oh. It's a hard question. Five thousand, or more maybe. I think I'd say more. Like, I'd say more. I'd say 12K's. It's hard. This one's hard. Yeah, 500K. 500K. Okay. Sure. I will say what? 1 million. 284K. 284 K's. That's so sick. Yeah, that's a great music, by the that's way. Oh it's man, like, it's a mood. So I've been burst by. I won. Burst. He's been burst. Okay. I won. He won. Again. Okay. There's another one. Did you have a good sleep, Scott? Mm-hmm. Yeah. That was great. In the sofa. Yep. I woke up on 10. On 10, how much for on 10? Oof. Like a 2. Okay. Not so bad. So. Okay, another one. I woke one. Up sweaty. this one. Okay. Oh, yeah. It's a 6 song. You know it? That. That's Liam Morgan, right? Yeah, it is. Yeah, with Liam the Morgan. Slow motion. Oh, this video is awesome. Yeah, Morgan in Australia. Yeah, no. Liam Morgan in the US, I think. Yeah, I think it's the US in San Francisco stuff. Yeah, San Francisco with the S Blue Orange video. No? Yeah, Caliber. Caliber. Montevideo. With Big Slow Mo. I don't have it. It's Spotify. I've watched it so many times. This one with the slow mo. It's With like the car without the roof that came up to the hill. I don't recall, but I remember like you had an S corners and then big slow mos on the straight part. Mm-hmm. And the music fit perfect on this one. Like, it's the best choice for sure. How much was the dubstep moment? Like, we had so many dubsteps. How much view? Okay. Elton. Why me first? Because he started, so now it's your turn. 500k. Okay, 500k. 100k. Speak on the microphone, please. 100k. Okay, okay. Lucas? Say 800k. 800k. Big boy. 350k. 350k? You won. Because it's 372k. Whoa. But you. Fuck solid. You, Scott. Solid. Fuck you. Oh, fuck Augustine. Speak about you during I searched the music. Oh yeah. please speak about you. So like, what you doing here? I'm in France. Yeah, why? Skating. We come for Euro Tour for a bunch of races. What's your goal here in Europe? There's a one goal and one goal only, and that's to fucking end Diego the witch. Let's fuck go. You. Nice. That's a pretty. It's a big goal. Okay, let's try this music. I know this song. What? But I don't know what edit. We made an edit for this. Who can make a video with that? This is me. I've made a song edit to the same song. Okay. Really? One day. Okay, I didn't know. Or but real similar song. Okay. But I don't know. Who's this? That's sick. No idea. A bit to understand the flow of the music. We've made with the FFM a part with this kind of video of music as well. Yeah, it's a good part. Yeah. Gaëtan, ça se trouve tu peux écouter. Ah ouais, tu veux essayer? Peut-être comme ça. Essaye de le De le switch. Ouais. Voilà, parfait. Parfait, je dirais pas. Je le remets du coup hein. Bon, j'avance. No. J'avance. I could see like a Brazilian video, like some Max Ballesteros video with Thiago going fast with weird position. Nobody knows. Nobody knows. That's a super game that I made, so because nobody knows the video. This is Boarding Media Best of 2017. Best of. Always with the best of. I'm searching for the views. Okay. Super. How much views? Well, you don't know the video, so. I know the video. You know the video? Yeah. If we don't know the video, that's. If you don't know, now if you we know. Don't know. But the video is pretty recent. I said that it was in 2017. Ah, 17 this one. Okay. 2017. Okay, 100. No, he had a big pop at the moment on Boarding Media. He made like Roland that made 100k of views. So maybe this one I would tell 15k. Okay. 15. 15 also? No, I said 100k. I mean, what are we talking about? Key William. What's your goal? 35k. 35. Elton? 800. 800k. You say 100 Ks. Okay. It was 39. Ouf. Oh. Yeah, no, my K. So it's 39 view. Dream big. The best of is the one of Skate Offs Media in 2012, I think, something like that, with the disco music. No. The best one is the one from the FFM skateboard. Which one? The best of. The last video. Yeah. Oh yeah, you should see it. Yeah, I made it. Made like a full age of the 10 years of skateboarding. Oh, whoa, yeah, like that's all of it from the very beginning to now. To now, yeah, that's so sick. It was hard to do. Yeah, that'd be hard to find all the clips. Next one. T'allais parler Benji parce que pas tout de suite. Next one. Next one. Next one. Oui. Le prochain. Le suivant. La suivante. La bombe. Oh oui. It's la bombe. On voit la bombe. La bombe, le poison. Le pastis. La bombe. Pastis, la bombe. Okay, this one. The next one. You should find, I think. It's cumbia. This start of a S1 movie. Video. The long Colombia one. Oh. This is off something else as well for sure. Simpson, Simpson. We have matched. Is the Colombian Madness by Linked Media? No. It was really close. Yeah. Is it? Is it the one on the driveway? No. No. Escobar's driveway. No. There is parts inside. Yeah. Okay. No. It's King of the Mud. No, it's that's the King one with the driveway. Colombianas Chaos Part 1. Oh, okay, yeah, but it's sped in Colombia. Yeah. I feel S1. Like there's a lot of Spud Columbia S1 videos out there. They need a helmet there. Yeah, facts. So, how much view? Lucas. Oh, come on. It's what? Can you say again the title? Yeah. Again? Sorry? Was it the title? The date, yeah. Colombia's Chaos Part 1. By who? I don't know. I can say it. Oh, super. There's five. Oh, is it S1 or Linked? Ah, it's S1. S1 tends to have like a lot of views, right? I think I assume. I won't do anything. I will say 75. Linked Media. It's Linked Media. Ah, Linked Media. Okay. Linked Media is. Oh, this one is hard. No, Linked Media make more views than S1. Like I'd say 62 K. 62. That's a lot for now. Yeah, I say it is on. I say since 11 months. So since. I say 25K. 45. And then I want it to be 100K. 35. Yeah. 45. 100. Oh. 18. Case. Damn. 18 Ks. Yeah. I'm the closest, right? I say 27. You said. I say. One. I forget what it said. So you're the forest. 20 some. Okay. It's tie. Can you speak? Yes. Because I need to. Yes. Hello, speak again. Hello, Scott. Hello. This is, so, what's your plan for the Euro Tour? Beat Diego. No, not that part. Like which heaven? Which heaven? So TST Kozakov. K. Okay, I have the music. Okay, so it's okay. And you it's the first time you come to Europe? Yeah. Let's go. Yeah. It is the first time on podcast too, so Jack gonna be mad. Yeah, sorry, Jack. Shout out to Jack. Yeah. Shout out to get that. Yeah, shout out to get that anyway. Yeah, fuck yeah. Yeah. Okay, let's go. Oh. This is everybody know that? I like this moment that I know the video. Oh, it's Dom Shenker, Kozakov. Domchenko, Kozakov. Yeah, Domchenko, Kozakov. Yeah, the stand-up run. No pause down run. Really. Yeah. With the fake time, because... Yeah, well, yeah, with the time, yeah, yeah. Was the time fake? Yeah, yeah. No, no, no, it's not fake, oh, but just like he was... just pushed like a lot before the real start line. Oh, okay, so, true, yeah. So he made the time. Yeah, was, at the moment, he passed the start line. He's already going. Yeah, yeah, so yeah. I think he made like 2:19, which that... Which is like crazy. Really crazy. I think Thiago didn't make it at this moment, the real 2:19. Oh, that's true. So yeah. This yeah. is why. I think, yeah, the best is like 2:19 on Kozakov from Thiago. 18 maybe, 18? I think. I don't know, but... Yeah, then but, shout yeah. out to Dominic. Like he was the real OG at the time in stand-ups. He's the first European I ever met, because he came over to Australia. Okay, I've met him in Paris. Like okay. he called me like, yeah, can we go to the restaurant? He was with his girlfriend. Uh-huh. And like, we can eat like real French food. I was like, what's French food? I don't know. Snails or something. So we went Frog? To the, I went to the restaurant with Dominic. A bar PMU? Bar PMU. But yeah, it was real good. Like really fast keeping up with the downhill guys and still standing up. Mm-mm-mm. Especially in Alpenrosen, it was crazy to watch. Like, and he stopped now. No. I think he stopped. Yeah, I think doing skateboarding. But he's doing a drive, drifting shit, and so. Playing Apex Legends. So. Oh, true. Okay. Yeah, but he keeps skateboarding. I think. Just yeah, for sure. Yeah, surely. You need to never stop. He's still in. I think in Rocket Longboard team. Stuff and everything. Sick. Okay. How many views, Marina? Oh. Sure. Oh, that's I'd say 300,000. Whoa. Oh. Okay. I think it stayed in like the longboard. I don't think the raw run like pop above longboard. I'd say 38,000. That's 22K. Elton? 20K? 145K. Wow. Sorry, Dominic. That might be one of the most viewed raw run. Like, I just remember Kozakov. That was one of the first like raw runs that I'd like can remember like being. Yeah, yeah. Like when I was getting into it, people showing me yeah, that. And stand-ups at Kozakov was a thing at the time. Yeah. Like when for the first time was Alex Tong. Doing the first stand-up on the first right of Kozakov was yeah. like, oh. Oh my god. Oh god. Oh my god. This is possible. This is possible. Yeah, we can do it, guys. And no half the free ride can do it. But that's sick. Next one. No. Mm-hmm. It's going to be really fast. Oui. Because everybody know that. Oh, okay. Ah. What? I know. Is that it? I know. You know, okay. It's Night Call, the Night music. Night Call from Kavinsky. But the video... Attends, wait for Scott. You know. This might be before. I don't know this ever. Oh, really? I don't think so. But I think there is plenty of video. Oh, video I know with this music. Yeah, actually. Yeah, I but know that song. The one. One. Maybe I do know it. The video, I mean. Did you put... C'est chaud. I know the song. I know the song too much to associate this to. Oh, yeah. This yeah, is true. Too much mainstream like. This is too much. Oh, that song, yeah. It's too much. I have no idea if to edit. It's from the US? No. Europe. Europe? That's. How old? The video is I don't know, I can search, but everybody, I hope that you see the video, because you need to. Yeah. It's a good song. It's, there's just a it lot was, of it was of 10 shit, years ago. Okay, yeah, no. It 10 years ago? Oh, wow. It's like a German rider. Yeah. Oof. It's like... But not... Just the German area. Like multiple people. Yeah. The best of. From from all around the world. All around. Ah, so it's greener, like, greener pastures. Greener pastures. Yeah. You didn't see? Yes. But it's the greener pastures in Switzerland. Yeah. Fuck yeah! 10 years ago, greener pastures. Yeah, the first one is 10 years. It was the first documentary styles videos we've watched. Mm-hmm. And by talking with Yvon and Patrick, it was the first time they managed to do something really professional, because it was like every big sponsor of the trip that can publish two videos every time paid, I think it was $2,000 per rider they want to put it in the video. So they have to pay this per rider, and this like was the finance of the trip. And after, like, it was Daddy Bortsko or the big shop that paid to publish the video. And they even had helmets and goodies made for greener pastures. Yeah, really. Yvon and Patrick managed to do something. Yeah, custom helmets from TSG. No, I don't. No, I think it was Predator. Predator, yeah. Custom 10 years ago, it was Predator. No? Yeah, Predator. Ah, Triple Eight. Gaetan lay down on the floor. After Scott Mano sleeping, it's now Gaetan Ricard sleeping. But I can't say how much view this is, because there are couples videos of the same video, you know, in brands. Every brand promote the video, so that's like on like Vimeo now, right? No, it is on YouTube. YouTube. But it's like we have right now. I see three videos of it, and some of them are like. It's like the only time we've seen the imaginary friend of Nicolas Robert, Kevin Wedge. Sorry about that. It's at Tenerife. It's the second season. So it's still okay. Can you speak? So hello. Yeah, I'm back here. I'm running out of shit to say. So Scott, what is your next destination after Marseille? So I go to Nice and pick up the hire car. Okay. And then we go to Bonnet. Okay. And then from there to Bonnet. TST. Bonnet. Bonnet. Nice. With who? With Chase and Owen and Frenchie. We meet with Frenchie at TST though. Yeah. Nice. Yeah. Good team. And then, it's gonna be sick. We got it's okay. Okay. Okay. Enough. Shut up. Right. Are you ready, everyone? I wait for the yes. Yes. Oui. Connor. Oh, I know, it's a mic hitter, heavy hitter. Yeah. Let's go! Lucas, find it. Yeah. So fast. This one is in the same category as Liam Morgan's. It's like stand-ups mostly from really low. And Mike Feeder's style on this one is like crazy. This is crazy, man. This is one of like the videos that everyone has fucking told me I have to watch. Yeah, for sure. It's so good. It's a sick one. He does like a lot of 180 turns during slides. You see the 10 lanes. Big dump. Big dump. Yeah. This one's real good with the music. It's like Liam Morgan. The music and the riding style it's just perfect on this one. It's so sick. You've never seen it, Ramon? Yes, I've seen it many times. And from this video, I started riding Adidas. Okay. Because he has the shoes I've been riding a lot. Adidas Busnitz. It's like Nico's riding the same shoes as well. Good skating shoes. Pretty sure they're the same shoes one of my mates that's had them for like 5 years or something. One pair of skate shoes. Oh, yeah. I've last like five years of Januski. Januski is resist. That's crazy. I can't comprehend that. My shoes die in like half a year. Oh, real? It depends on the shoes. Nikes makes you fight. you may not ride enough. Sorry. You may not ride enough. To break no, maybe to too, too much. Yeah, for me. Okay, another one. Fall too much. Another one. No. Another one. Another one. Bite to dust. Oh. Oh. Another one. Bite to dust. Hey. We just know the song. Yeah. No. No. I don't remember the video, but c'est la pub, I remember one time that Marjorie told me I want to put another one bite to the dust on a video. On s'en fout ça. So there is a video on YouTube of Marjorie skating with this music for sure. So you won. Ah. But it's not the video that it I find. It would be but a good music for Wiga video. Is it a Spud? Spud? Linked Media? Yeah. It is? Yeah. Yeah. But I won with Crash compilation? No. No? Makes sense with the music. Yeah. I've seen as it's Colombia? Yeah. Yeah. I just feel like I remember seeing footage of that with like people falling. It's not the it's maybe inside the video, but it's in it's the Colombian part 2. Yeah. Oh. I want the two, so Marjorie's video that is better than the already really good video. How much view? Let's be serious a bit, so please. It's the 22. It's part two, so how it's much? It's 22. Oh là là, 22. 10. 22. 10K. 22K. 10K. Oh là là. 16K. 16. Alton. Oh là là, 22. Alton. I want to say 10 too, but 12. And 22. Oh, perfect. Let's go. J'ai droit au bonbon. Sorry. 22K. 22. Oui, j'ai dit. 22, bah, voilà les 22. Voilà les bacs. Oh là là, 22. Oh là là, 22. Merci. Please, Scott. Yes. So, how you feel in Europe in general? Like when you arrive, what's your feeling? Happy. He don't pay the train between Nice Toulon, so this is a real OG move. Like every people in the south don't pay this train, so. He was so already in the game. He's already in. Yeah, with true. The with this and the pastis. It's sort of like he's there. He's from there. Like. But no, it's cool. It's really different to like other places. Okay. Yeah. Okay. What in different in what way? Like. I'll tell you after. Okay. And the next music. Le mec casse l'ambiance. Orangutan? No. It's not crunchy? No. Ah, crunchy could work. Oh, I know it's it. A cool I know song. It. I know it. It's not Patrick? No. I know the song. I know the video, but. I feel like I know this song from a video. You have to pee. You can pee. I see. With many slow mos. Yeah. I think it's in Canada. No. It's like Predator. No. Homies. Sorry. Homies. No. This one is really hard. But I know the video. I can see. This it. Is recent or for a long time ago? It's really old school. I think this is old school. What you are talking? What is old school? 2016. It's like 2014. This one. No? 2016. Perfect. I know it. I don't know. I have the ears. That's all. I remember like great editing on the video, on the music. Yeah, really. Like back and forth, slow mos and stuff. I think it's in Canada. No, not Canada. No, it's in Europe. It's in Europe. Oh. It's a best of again. A bit. It is Scalehouse Media? No, not in 2000. It is like event part, you know. Ah, it's Kozakov. It's Kozakov. It's Kozakov for sure. And nice. This music passed when the guys crashed. So there is slow-mo when they break their bones and stuff. It's the last part of the Kozakov video of 2016. Yeah, you see Vision, Zelda, and Crash. There's Marjorie in this part. Ah, yes. Yeah. After the... A friend of us, Marjorie, crashes into the ABLs on this song. With Ambroise. With Ambroise, exactly. Sure. Yeah. Painful. A love story between us, signs there. How much view? 100k. 100k. 102. 102. 105. 154k. Oh. You win. No, I win 45. Mais gros, t'étais pas là déjà? If the people didn't hurt you, that doesn't count. Yeah, it doesn't count. Putain, il a chopé des princes. There is the last one, but it is how can I say? Jumping Lantern? Huh? What? Up. Scott. Scott, you need to talk, please. Yes, I'm eating the. Scott, your hair. Why? Why your hair? Why not? Why not? That's good. Yeah. Good enough. It look cool. So Chase has the same. He's doing pink. Pink? Yeah. Oh god. But he started doing the blonde, and he was seeming kind of like he might keep it blonde. Yeah, the pink is better. Exactly. He already bought the pink. Okay. Every time. Oh, Nicolas Robert with Artyom Missiri. Yeah. When the visor of the helmet closes. Yeah. That's a Swiss video. It's I know that you won't find it. Yeah. From the guy who owned nine. Artyom is good, like at finding good music. Yeah, but how much views? Five thousand. Wow. You said I wouldn't know. That's ballsy. It could be. I'd say, like, sorry, Nico, but 21k. That's a lot. 20k. Anyways. Okay. How much, Alton? 2k. 2k. 12k. Was Augustine. 15k views. On Vimeo.com. Oh. Flexing. On Vimeo. I have a last one. D'accord. But it's for French guy. Because you won't understand the jokes that it is behind. Okay, so... But there's no music anymore. There is no music anymore. So what's the feeling you were speaking about? Oh, yes. So it's just crazy, like, in... Especially here in Marcel, like, the layout of the city is, like, so old compared to, like, a lot of the places I've been. It's really cool, like, the architecture and everything. It's a lot more, not unique, but like, I don't know, I just think it looks cool. Yeah, it's really special compared to other cities in France. Yeah, true. And even is something that marked me when I came to the US, because it was the first country where I went, like, it was young. And I think it's the same with Australia. Yeah. It's not like the same cities. Because they don't have an historical center, because like the cities grew up like not long ago. And in France I saw like that Scott noticed that we have a lot of old house everywhere, and in the city is the center of the city compared to American cities. Yeah. Like LA don't have historical center at all. Nah. Just maybe Hollywood in San Francisco. You have one is the Fisher Place, but it's not like the center. The center is like the New West part, and I think it's something different. Marseille is pretty old. All the buildings. It's the oldest cities in Mediterranean. Because you had many people arriving from Mediterranean Sea. Yeah, coming here, it was like a passage. Yeah, so yeah, that's why you have also a big mix of cultures and people. Yeah. And yeah, we actually had a lot of problems with the building falling off past years because they were too old. Yeah, one building fell off in the center of Marseille and people died in it. Yeah, it was fucked. It's like the Mediterranean way, like skaters way. we'll see later. And how do you feel about the day? Today? Yeah. Great. Amazing. And tonight? Even better. Even better. That's why I had a nap. How do you feel like with us compared to other skaters you've been with? Mm. Like our skate styles and how we skate, what's for you, how you feel it like? I think it's good. Like, it's different to like in a lot of the US, like we're in like North Carolina, it's like a lot of jumping from like one spot to one like really quick because they're like pretty, you just get kicked out straight away and stuff. Oh, yeah. So like it's cool having like a fully closed road, like you can just go as hard as possible with people watching you. People watching, like the, it's so different, like the views and everything, like it's really cool. Nice. Yeah, we learned this when we came to the US. Yeah. It was the first time you weren't shocked about that, like the OC people. No. But it was the first time for us, we start the session on one spot and you can do like 3-4 spots in a day. Yeah. And you just do like 3 or 4 runs on each spot and you go to another one, another one, and you can do like the sunset tour on Malibu. You start at 2:09, you finish at like Ocean. You can do like 6 spots during the sunset, and they are much more like that because they don't use walkies. No, yeah. In Europe, I think we more have this like thing. Safety. To close the road and use only road like we can skate. Yeah, but it is because the road is narrow. There is some road in California. Yeah. And in Cape Town, and maybe La Réunion, but it was kind of we have to choose the roads. Like we choose them because we know there's not much traffic. Yeah. We have a gap where we can skate. We can secure it. There's not much entries and stuff. Yeah. But that's pretty new because he's saying we use walkies, but we use walkies since like 4 years maybe. Okay. Before we were going like full sand and but whatever happens, it happens. We always search for like the roads with the less cars than possible. In the US, they like don't. Yeah, no, it's not really. Like Las Flores is like kind of an highway. You're pretty sure to pass 20 cars in the other way, and you go through an intersection at like 17 kilometers, but they keep it chill and safe. Yeah. But they don't have the thing of, we will be aware of the car. It's like, no, we stay in our lane and skateboard. And so in Europe, I think we can have a lot of spots in the area, but we don't have so much because we keep like only the spot we can skate all day long, as Scott said. Because it's different. Like, the spot we took in car, the Castellet one. At the top of Marseille? No, it's between Marseille and Toulon. Yeah. The one I told it's incredible. We never skated it because there is too much car and But we should. We should go and just get up early. Yeah. That's what we do. No, but in the US, they don't mind they would be just, oh, it's a fucking road. We're going to skate it in our lane, and and just fuck it. Yeah. And two runs, and we go, and yeah. they don't mind about doing like two runs, and go directly after because of the cops. I think like for roads like that, like it's okay to skate, but you just don't need to skate like full fucking as hard as you can. Like just yeah. take it like at a safe manner. Yeah, the explore, like yeah, you explore. Yeah, exactly. And then like that's what we do on trips. Yeah. But not Europe. That's something I noticed. I see that though, yeah. You're local, you don't really want to be yeah, doing yeah. that. Yeah, yeah. yeah. You don't want to explore, you just want to just send it the more you can on the spot. Yeah. We eat there, then chill, then yeah, go back yeah, again. Yeah. That's when what was cool about like the spot today. It's like you can really fucking yeah, go. Yeah, yeah. yeah, every spot we skate here are like that. Yeah. And when we were in La Réunion, I remember I did one spot. It was like the most touristic road in La Réunion, and on a run of 15 minutes, I think I like see 100 cars. but I was like in comfort everywhere, yeah, yeah. like all the run, and it was kind of cool because like I stay in my lane. Yeah. But in Europe, in France, I would never do that. Sometimes the walkies like don't work. We like spend half an hour on the spot because we don't reaching each other and nobody wants to just go because we have like in Europe we and are here more it's the like cars. Around all the roads are too narrow. Yeah, no, to skate with cars. I feel that. I would like to I missed a part in the podcast. Is the question of the riders? Okay. Ah, okay. Sorry. Maybe we need Gaetan or it's the same? No, it's like pretty the same. Okay. I'm sorry. how we can film a very good run? Attends. Tu peux le dire en français peut-être. Est-ce qu'on peut filmer un run très propre avec n'importe quelle voiture? Oui. Can we make a beautiful run with any cars? Yes. Without any, you mean? No. With any, which like any type whatever of cars, car. Whatever or cars. Yeah. Like, can you use any car for? Yeah. For a run. So different. Yes and no. Yeah. Yes and no. There is some spots you cannot film without not a good car, but a small car, an adapted car for a run. But I think it represent 10% of the skate spots, and it's large because the better example are. I think Lucas have a raw run in La Bonnette, all the 24 kilometers filmed with a van. Yeah. We filmed an old video in Alicante with kind of a minivan Dacia. Yeah. I mean, you can film with whatever car you want, because like we filmed with Rents most of the time, shitty Rents. But it depends on the safety you want to bring to the rider. That's the thing, because it's easy to follow a rider most of the time, depending on the spot, except like Anaconda or really really narrow and fast. Yeah, 1% of the spots, but. But if the rider falls, you need the brakes, and you need a race car with great brakes if you don't want to run on the rider. That's the thing. Mm-hmm. It's easy to follow. I think every car. We're not that fast. Most of the time, but if there's a dangerous situation, you want the best car. 100%. I think that's... There is any advice you can put? I think a lot of the time, just like make sure the brakes work like really well. Like when you don't want like spongy brakes, really, unless you're like... I filmed Ambroise Troué with my old car 4L. Yeah. R4, it was a really old car. And it works. But the spot, like you said, the spot was Chuyé, and it's like you have just one good break or two. Yeah, most of the time it's easy, but if there is a problem, you want the best gear you can have. My best advice would be try to film some GoPro runs before, because when you will hit your partner, it's not that bad. And I think if you're riding a car like just often, you have the capacity to follow someone, but you know it. But you have to know how to follow someone that was that is the same on a car on or on a skateboard. Mm-hmm. Just you have to know what a people will do when you do that type of movement, and you don't like think a lot if you're on a skateboard or in a car. You just act. Yep. And I think you just have to use the gear and don't smoke before filming. The next question is, do you know exactly what you're gonna turn the what footage you want before turning the camera on? Ouais. Est-ce que vous savez exactement ce que vous avez besoin avant de mettre la vidéo, avant de shoot la vidéo, genre? Genre, est-ce que tu sais, genre, avant de descendre, tu sais, bon bah ok, je veux un. Tu veux que je réponde en français ou en anglais? Comme tu veux. It depends of the videos, as Elton said, like I think 2 hours before. Sometimes we have video, we have the opportunity to like completely pre-prod, like prepared. And so the better example is, I think, the Yannis video for Seismic Limitless, because we knew the spot with Yannis, with Elton, with me, and so we prepared every shot on every turn, because we knew like this turn is cool, we want 3 shots in this one is like kind of cool, so one will be enough, and we really prepared everything we wanted before. But you have always, and when you just film a trip, you cannot do, you have always some kind of surprise, because to keep the same example, in the video of Yannis, we woke up a morning and we are like a sea of clouds with the sunrise, and we cannot plan this. So, and you adapt. When we film, we find a way to put this in the videos, because it brings something special else. Yeah. Another question. It's en français du coup. Est-ce que vous voulez shoot autre chose que du skate ou d'autres sports? Do you want to shoot other sports or only skateboard? What we said. I think like we are better to think skateboard because we are skateboarder. You know that help a lot during our shooting moment. And yes, for sure. Me and Ramon are really in music, like like you say before, and maybe later, but this is not really a priority. Like we said, the priority is really to deliver this big film documentary about the skateboard. Okay. But we are really interested, and even more when we doing the editing for our footage, like what we see in a clip and what is new help us, you know, like a lot, bring to us inspiration. So that, like we said, music is really important important in skateboarding. Okay. And we shot with something video already, like like said Elton, we are into skateboard, so it's better to, you can understand it. Yeah, but we if we met some magicians, as we said in French before, just some people passionate by anything, I think we are like into film any passionate people, because it's always a good time. Yeah. Okay. Well, this is the end of the appreciation. No way. A last word. How long? I don't know how long we talk, but it seems like a long time. It is the end. I had a full sleep. I've been talking for a while. Sorry, you can speak. Ouais, bonsoir. But Lucas, I will let you last word. Un dernier mot. J'aime bien finir sur Ryder. Après, c'est comme vous voulez. Sur Ryder. Ryder. Ouais. If you come to France, make sure you drink Bastis. Perfect. We can't speak after that. The best ending. So thank you all and merci beaucoup. Thank you to you, man. Et thank you, Benjamin. Merci, you. Benjamin. Tes couilles, Benjamin, on t'adore. Tes couilles sont incroyablement grosses. Il faudrait les vider. Merci, mesdames. Merci, le sang. Et Ryder!